أي ذهبوا إلى السوق كل يوم؟ كل يوم نعم. نعم يذهبوا دائما إلى السوق بعد صلاة الفجر. نعم. متى يرجع من السوق؟ متى يرجع من السوق؟ طيب يا يرجع لا يرجع يرجع في ساعة الثالثة. كنت تجي يرجع يا با أيا يرجع في ساعة في ساعة السابعة وأحيانا في ساعة الثامنة. طيب يا يرجع في الساعة السابعة وأحيانا في الساعة الثامنة. ماذا يفعل في بيته؟ يقرأ صحفا يقرأ. C'est qui lit? C'est son père. Et il lit quoi? Très bien. Hada. Normalement, ça, Inch'Allah, c'est une faute que vous ne devez plus faire. À partir du moment où le fa'al est accroché à quoi? Au fi'l, où il est sous-entendu, automatiquement derrière, c'est du marfou. Mansoub, hada wa taïb. À part après plus tard, si c'est une jumla haliya, ça devient marfou. Taïb. Alors quand tu dis dahabtu, mais pas marfou, c'est pas possible derrière. Mais faut, ou qara'tu, ou akaltu, automatiquement il y a quoi derrière? Du mansoub ou du jar ou majrour. Très bien. Suivant. Non. Non. Très bien. Wa mata yarji'u min hunak? Yarji'u fi sa'ati al-wahidati. La. Al-wahidati. Naam. Yarji'u fi sa'ati al-wahidati. Wa nisfi. Aw thaniya. Très bien. Wa yadhhabu ila masna'i marratan. Marratan akhra. Ukhra. أخرى بعد الظهر. نعم. أي يذهب إلى المصنع مرة أخرى بعد الظهر. شو لا لا لا يذهب بعد الظهر الظهر. يجلس هنا في مكتب في مكتبتي بعد الصلاة العصر. يجلس هنا في مكتبه. يا تجي مكتبتي تو. تجي مكتبي. طيب جيك مرة بارك الله فيك. كم عاملا يعمل في مصنعكم؟ مصنعنا ليس كبير بكبير يعمل فيه 125 عاملا ومهندسان. نعم. الساعة الآن 9:45. وما رجع أبوك. Très bien. لعله يرجع اليوم متأخرا. Des mots pas compris. مصنع الانتربريز. ها مصنع في الانتربريز. كمان مرتان ابري لي فوا مو داير مرتان اخرى اون اوت فوا. طيب سي بون. طيب بسم الله لي فرير. الدرس اليوم حول الفعل المضارع. طيب الفعل واقسامه. En ce qui concerne le verbe, on en avait parlé un petit peu. Le verbe, il est décomposé en trois. On a الماضي قد أخذناه الحمد لله والآن سنأخذ المضارع ثم الأمر. طيب فالماضي من يذكر تعريف الماضي؟ كي سوبيان تفضل.

المخاطب المذكر المفرد أنت تذهب أنتغي لتا ici طيب المؤنث أنت تذهبين مفهوم المخاطب المذكر الجمع أنتم تذهبون طيب وأنتن تذهبن طيب تلمذي سيبو المتكلم المذكر والمؤنث المفرد أنا أذهب هنا أنا مبتدأ أذهب فعل ضمير مستتر أنا ونحن نذهب لا ميم شوز طيب pourquoi je vous ai demandé d'entourer ces deux là parce que si vous avez fait attention Amina تذهب أنت تذهب ça il faut l'apprendre par cœur sinon vous pouvez trouver quoi une confusion c'est-à-dire quand tu vas informer d'une sœur qu'elle est partie tu diras تذهب me font et quand tu parleras à un frère regardez bien à un frère tu diras أنت تذهب Tout le monde suit là ? Alors que si tu parles à une sœur, tu dirais quoi ? Anti tadhabine. Me fond ? C'est pour ça que je vous ai dit entourez ces deux tas là pour pas que vous fassiez une erreur. Taïb ? Parce que si vous ne l'apprenez pas par cœur, je suis sûr que parmi vous, Allah alam, vous allez commencer à mélanger. Alors tu dis aminatu tadhabu. Me fond ? Wa zaynab wa zaydun on dira yadhabu. Vous avez compris là ? Zaydun yadhabu aminatu tadhabu. هذا غائب طيب et si on parle à un frère on dira quoi انت تذهب et si on parle à une sœur انت تذهبين مفهوم هذا ان شاء الله طيب on avait dit quoi également بارك الله فيكم les frères ici si on regarde maintenant on avait dit que le signe du mudhara c'était une lettre en plus du verbe en début de phrase en début du verbe, on a le ya. C'est vrai ou non ? Après, on a le ta dans la deuxième colonne. Tout le monde y est ? Après, on a encore le ta dans la troisième colonne. On a le ta dans la quatrième colonne. Et après, on a quoi ? Al-alif ma'al-hamza dans la cinquième colonne. Taïb ? Et après, on va à côté. Al-jam, on a quoi ? Al-noun. Taïb ? Il nous reste quoi maintenant ? La deuxième chose, c'est qu'était quoi ? Que le verbe mudhari', il est quoi ? Il est مرفوع. Les signes du مرفوع, vous les voyez? يذهب ضمة أمينة تذهب ضمة أنت تذهب أنا أذهب tout ça est ضمة. Il nous reste quoi maintenant? Regardez bien le pluriel. Regardez bien. حامد وعلي وهاشم يذهبون. Ici le signe du مرفوع c'est le نون. طيب إن شاء الله entourez ça. Je me suis dit un frère il allait me demander. طيب Voilà. Tout le monde a compris là ? Antum tadhabuna. Pareil. Fa'il le waou. Je ne sais pas si vous l'avez mis là. Et donc par exemple, tadhabuna. Tu parles de quoi là ? Anna ? Moi, tu parles à moi. Anta tadhabu. Anta, derrière. La même chose, c'est Anta. Ouais, si tu viens vers moi, tu me dis Abdelrahman tadhabu. J'ai compris. T'as pas besoin de dire Anta. Ça, c'est après. Ça, c'est pour que tu apprennes à savoir à qui tu parles. Anta tadhabu. Anti tadhabina. Mais si je viens, par exemple, vers ma petite soeur ou une fille, je lui dis Hal tadhabina. Je lui dis Hal anti tadhabina. Là, là. Là, il veut que tu apprennes comment t'écoutes le khitab, comment tu apprends à parler. Mais tu n'es pas forcément toujours de ramener Anta tadhabu, Anti tadhabu. Là, moi j'arrive vers vous, je vous dis Tadhabuna ila al masjid, Tadhabuna al-an ila al-janaza, Antum tadhabuna. Là, mais ce n'est pas une obligation. Tadhab, Inch'Allah. En tout cas, vous avez compris là ? Tadhab, on a dit quoi alors ? Ici, le noun, yadhabuna, antum tadhabuna, alamat al-raf, on a dit c'était quoi ? Un noun.